بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك علي، هل الذي يتزي بزي الكفار يكفر بذلك؟ celui qui se revêt d'un vêtement de kuffar devient kafir pour autant. L'auteur, il a dit ça. C'est quoi la réponse? Les gens peuvent prendre ça, takfiri, et après ils disent, tenez, l'imam Sana'ani, qui est un de votre imam, de vos imams de Al-Sunna, il dit telle et telle chose. Donc c'est quoi la réponse? Tout dépend de quel type d'avis tu fais aussi. Et avec... par rapport aux habits des koufars, si tu mets les habits des koufars, demain, quelqu'un aimait le vêtement d'un prêtre. Ça devient un kafir pour autant, un musulman. Tout dépend de sa niya. C'est pas le vêtement en soi, c'est la niya. C'est la niya. Et c'est quoi là, c'est-à-dire? C'est quoi le tafsil? S'il a la niya de... S'il considère que... S'il rejette le vêtement du musulman, il a la niya vraiment de mettre notre habit, mais ça devient... Il voit que ça, ce vêtement-là, là, c'est meilleur que celui des muslims, voilà, ouais. Qui n'a pas mis celui-là, c'est celui qu'il faut mettre. Il faut mettre. Non. Il rejette le... Là, on peut le dire, oui, qu'il devient kafir. Et quand est-ce qu'il n'est pas kafir? Il reconnaît que ce vêtement qu'il met n'est pas mieux, mais lui, au fond de lui, il aime les shahawat. Il aime mettre ce vêtement-là. Mais au fond, c'est que le vêtement des muslims, il est meilleur. Mais il préfère mettre celui-là parce que lui, il a une faiblesse dans l'iman. Comme quelqu'un qui fait un péché. Taïeb. Non. Et Haoula Kaalou, que nous, on ne fait pas salat pour eux, pour les kobours. Ni Hajj, ni Siyam, ni rien d'autre. On ne les adore pas. C'est quoi la réponse? Non. Ils ignorent le sens de l'ibad. L'ibad aoussa. Elle est beaucoup plus large que le fait de faire salat, de faire Siyam, de faire le Hajj. Taïb Noah, c'est Inch'Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن قلت إن الناظر قد يدرك النفع والدفع والضرر بسبب إخراجه للنظر وبذله. Donc il dit, si jamais tu dis, parlons, celui qui débat, que celui qui a fait un vœu, il se peut que par la suite de ce vœu, il trouve un profit ou qu'un mal soit préservé d'un mal pour ce qu'il aura sorti en offrande pour ce vœu qu'il aura dépensé. Comment ça se fait, ça? Hein? Quelqu'un, il fait un vœu, il dit, Salène, je donne tant au Wali Foulen, ou s'il m'arrive telle chose, je donnerai autant au Wali Foulen et ça lui arrive. Un exemple, il dit, si ma femme, elle a des jumeaux, voyez, je donne tant. Ou le contraire, il va avoir le voile foulaine, si je donne tant, en invoquant, donne-moi des jumeaux. Et sa femme a des jumeaux. T'as compris, hein? Que ce qu'il a demandé, pour son vœu, il l'a reçu. Je vois. Dire, comment j'ai demandé, j'ai reçu. Comment tu sais du chirque? Tu sens du chirque, alors il ne m'aurait pas donné. Et ça, c'est une chose qui arrive chez des gens, même des gens qui vont faire le doha dans les koubours. Mais cela, ils n'adorent pas forcément. Il ne faut pas une ibada pour le Wadi del Kobr. Je pense qu'il y a une baraka en ce lieu. Comme des gens, des fois, ils vont faire le doha près du Kobr du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchent la baraka. Dans un lieu où il n'y a pas de baraka à la base. Mais ils disent, moi, je n'invoque pas le Sahib del Kobr. Mais ce lieu-là, un jour, il y a une baraka. لأن هذا كان وليا Il doit se rendre dans le chic également, car il met une baraka dans un lieu où Allah n'a pas une baraka. Moi, ça devient torsile. Est-ce qu'il faut que le lieu est Moubarak en lui-même, ou c'est Allah qui met une baraka dedans, ou Kaza ou une Shubaha? Ça, c'est dans le Kitab Touhin, Inch'Allah, pour la Mas'ala. Al-Muhim. Il fait dua à cet endroit-là, Soumas Toujib Allah. Son dua lui exaucé. Il dit, je viens souvent faire dua à cet endroit-là, et dès que je viens ici, j'ai ce que j'ai demandé. Donc, comment ça se fait une baraka ici? Donc là, on va lire un kalam de Cheikh Al-Islam par rapport à cette masala qu'il a évoqué dans Iqtira Salat al-Mustaqim. Avant de lire le kalam de l'auteur. Qal. À partir justement du nazr. Là, il parle vraiment du nazr. Qal. Amma ijabat al-du'a faqad yakunu sababuhu ittirar al-da'i wa sidq iltija'i waqad yakunu sababuhu mujarrad rahmatillahilah وقد يكون امرا قضاه الله لا ليجد دعائه وقد يكون له اسباب اخرى وان كانت فتنه في حق الداعي. Il dit donc, quant au fait que le dua soit exaucé, ça peut être pour différentes raisons. Du fait que mathalan, celui qui a fait dua, là il parle de quelqu'un qui aura fait un nazr ou un dua à un endroit. Pas par rapport au wali, par rapport à un endroit. D'accord ? Il l'a fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais un endroit, on a une croix sur cet endroit-là, les Moubarak. Alors ce n'est pas le cas. Il dit, il se peut que Allah l'exauçait du fait qu'il était, son dua était très sincère. Il avait une contrainte très dure. Il était muttar, dans une situation de détresse. Donc Allah l'a exaucé. Du fait que vraiment il a vraiment été mukhlis envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dua-là. Il l'a fait le mauvais endroit, de mauvaise façon, mais dans son dua il était vraiment mukhlis. Ou il se peut du fait que Allah lui a fait rahma, c'est tout. Il se peut que ce soit une chose que Allah avait décrété pour lui. Que cette chose-là devait lui arriver. Même lui n'a pas fait de dua, il aurait reçu la chose. Ou il se peut que ce soit d'autres causes. Ou il se peut que ce soit une fitna pour lui, pour l'éprouver. Pas même pour l'éprouver. Car Allah subhanahu wa ta'ala répond également au dua du kafir. Pas même, dans les hadiths qu'on a appris justement que les mouchrikoun, lorsqu'ils montaient sur les bateaux et que les vagues affluaient, les grandes vagues, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا نَجَيْنَهُمْ الْبَرْ إِذِمْ يُوَلِدُونَ. Et une fois qu'on les a secourus sur le rivage, voilà qu'ils font du shirk. Donc Allah les a exaucés. Il les a sauvés de ces vagues. Donc il leur a répondu à leur dua. Et également le dua du mazloum. Celui qui a subi une injustice, même un kafir, qui fait dua contre un musulman qui a été injuste envers lui, son dua est exaucé. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس المعظم الجبل قال له اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Il a dit crains le dua du lésé, du mazloum. Là c'est alif ollem, c'est ay mazloum, il n'y a pas de tafsil. Tout mazloum, il n'y a pas d'il mu'min ou pas. Le mazloum. Car il n'y a aucun hijab entre ce dua et entre Allah. Quoi qu'il en soit, quand elle, il rentre dans un ism maf'oul ou ism fa'il ou c'est. Là, le « L », il y a le sens de « Al-Ladhi ». Quand tu dis « Al-Mazloum », ça veut dire « Al-Ladhi Zulima ». Quand tu dis « Al-Dharib », c'est « Al-Ladhi Daraba ». Adam Ma'ana. Ou « Al-Asma Al-Mawsoula », c'est parmi les « Asma », les « Alfaz » de « Umum ». Parmi les termes de généralité. Il y a des règles qu'on prend dans « Usul al-Fiqh ». Et ça, ça en fait partie. « Shahid min Zalik » que Allah subhanahu wa ta'ala répond même au kafir. En des situations particulières. C'est pas mutlakan. On dit situation particulière. Donc là, celui qui a fait ce vœu, la réponse, on dit, il faut que ce soit une fitna pour toi. Que ce vœu t'ait été exaucé. Donc ne crois pas que ce vœu, que le fait que tu aies une réponse, qu'il soit légiféré, et que ce que tu aies fait, c'est une bonne chose. Donc des hadiths, c'est venu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne au Asi, ceux qui désobéissent, il lui donne. Il dit Allah donne-moi, il lui donne. Allah donne-moi, il lui donne. Pourquoi ? Il s'y donnera jannahu, pour l'avoir par étapes, par la suite. Donc ne crois pas que le Asi, lorsqu'il a tout ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'Allah il aime. Là, ben, des fois c'est une fitna pour lui. Pour le donner après, il dira, je peux donner telle chose, telle chose. Qu'en as-tu fait ? Ben, tu remercies ? Là, il n'a pas été. Et des fois, toi, c'est le contraire. C'est moustaqim, mukhlis, tu demandes à Allah qu'il te donne, il ne donne pas. Pourquoi ? Ça se trouve, s'il te donnerait, ça te ferait du mal, cette chose-là. Car Allah, il sait, toi, tu ne sais pas. Tu dis, Ya Rabbi, je veux être riche. Et Allah, tu es pauvre. Donc, il sait, si jamais tu devenais riche, il se peut que tu dévies. Donc, Rahmatan Allah, qu'il ne te donne pas cette richesse-là. Et c'est un bien pour toi, tu t'en rends pas compte. Combien de gens ont eu des richesses et ils ont dévié. Thumma, il y a un autre kalam. Puis neuf mots au là, c'est un kalam de Cheikh Othaymin. Par rapport à ça. Qala, rahmahu ta'ala. La siyama, il est oujiba al-du'a, ahyanan, yaftinu Allah ba'd al-nas. Ouais. يجيب الدعاء في حال يحرم فيه الدعاء فيها فتنة له فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتن بهذا أو يقول إنما استجيب لي لأنني دعوته عند القبر ويفتن بهذا والله ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أعاذنا الله من هذا. Donc là, ça revient au même masala de celui qui fait le dua près du qabr. Il dit, il se peut que la personne fasse dua près d'un qabr et qu'Allah lui réponde. Car il se peut que Allah éprouve certaines personnes. Comment ? En lui exerçant ce dua dans des situations à la base, ce ne l'est pas permis. Mais il lui donne quand même. Pourquoi ? Que ce soit une fitna pour lui. Cette personne-là. Et pour d'autres également. Car des gens, ils font un dua près d'un cobre et ils disent, Allah il m'a exaucé à moi. Pourquoi tu dis c'est haram ? Ou que c'est un bébé qui mène au shirk ou c'est du shirk ? Allah il m'a exaucé. Donc là, il dit qu'il faut que la personne soit prudente, fasse attention à ça, et qu'elle médite sur la parole d'Allah dans le sens où il dit, et nous allons les mener par échelon de là où ils ne savent pas. C'est-à-dire que Allah peut t'égarer sans que tu t'en rends compte. Pour des choses qu'il sait en toi. Allah n'est pas injuste. S'il t'égare pour ça, c'est ce qu'il sait, ce qui est en toi. Pas mal. Donc des gens, leurs doigts leur sont exaucés dans des situations à la base. C'est interdit de faire doa. Ou toi, à la base, tu sais que ce doa, tu dis jamais Allah va lui donner ça. Pourquoi ? Ce qu'il fait là, c'est pas permis. Eh bien, Allah lui a donné. Pourquoi ? Pour éprouver cette personne dans son égarement, lui rajouter du mal à son mal. Car là, c'est dans son cœur que cet homme-là, il a un mal. Cet homme ou cette femme ou cette personne-là. Donc là, ça répond au kalam de dire, moi, j'ai fait un vœu. Pour le sanam même, j'ai été exaucé. Comment ça se fait ? Vous dites que c'est haram. Ou c'est du shirk. Donc là, le mu'alif, il reprend. Le même sana'an, il dit, « Kulto, kathalika al-asnam, kana yudraku minha, ma huwa abla min hadha, wa huwa al-khitab. » من جوفها وليخبروا ببعض ما يكتمه الإنسان فإن كان هذا دليلا على حقية الكبر وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام وهذا هدم الإسلام وتشييد لأركان الأصنام وتشييد لأركان الأصنام وكل celui qui dirait cette chose là que moi j'ai fait le vœu par rapport au wali et juste que je voulais il dit il y a des choses par rapport au asnam qui ont été faites bien plus grandes que ce que tu as fait là. Comme par exemple, le fait qu'elle parle. Les gens sont venus vers un sonam, un idole, ils lui ont demandé quelque chose, le sonam leur a répondu. Donc ça, c'est encore plus flagrant que ce qui t'arrive à toi. Ou que le sonam informe de choses cachées. Une chose, par exemple, qui était cachée, le sonam, il lui dit. Donc, si jamais ces faits-là étaient des choses qui démontraient la véracité de ces asnam, et que cet i'tiqad que tu as en toi, il est vrai, alors cela serait une chose qui détruirait l'islam et qui appuierait la croyance aux idoles. والتحقيق ان لابليس وجنوده من الجن والانس اعظم العيانه او العنايه في اضلال العباد فقد مكن الله ابليس من الدخول في الابدان والوسوسه في الصدور والتقام القلب بخرطومه. Donc il dit, c'est quoi la réponse à cela? C'est que Iblis ainsi que ses troupes parmi les djinns et les hommes s'efforcent ou ont pour principal but de guérir les gens et principalement les ibad, mukhlisin, les gens pieux, et que Allah a accordé à Iblis la faculté de pouvoir rentrer dans les corps et d'y mettre ses waswasa, qu'on appelle ça insufflation, dans les poitrines, et qui peut même atteindre les cœurs des gens, même par les waswasa. وكذلك يدخل أوجاف الأصنام فيلقي الكلام في أسماع الأفدان ومثل ما يصنعه في عقائد الكبريين فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب على بني آدم بخيله ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. Également, il se peut que Iblis ou Shaitan rentre dans ce sanam et le fasse parler. Et que la personne vienne entendre une voix. Ils disent, oh, ça, il me répond quand je lui parle. Y avoir un arbre, une statuette, ou n'importe quoi, parmi les choses qui à la base ne parlent pas, ne répondent pas. Et la taqil, il fait une demande, il a une réponse. La chose lui parle. Et ça arrive à des gens dans des Ashab al-Kubur. Ils invoquent le wali, ils entendent une voix qui vient du Qabr, qui leur répond. Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, a autorisé à Iblis, Shaitan, de pouvoir tenter le fils de Adam par des avec sa cavalerie, avec son infanterie, c'est-à-dire ses troupes, et qui participent dans leurs biens et dans leurs enfants, c'est-à-dire pour les biens et les enfants sont une fitna pour la personne. Hada ma'rouf. Inna min awwalikum wa awladikum fitna. Wa hadha dalil qulallahu 'azza wa jalla wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib 'alayhim bi khaylik wa rajlik wa sharikhum fil amwal wal awlad wa'iduhum wa ma yad'um ash-shaytan illa ghurura. Que Allah dans le Coran, il a dit dans le sens où il dit, excite-les donc ceux dont tu peux parmi eux avec ta voix. Ça c'était interprété par les chants, par la musique. Avec ta voix. Et lance sur eux ta cavalerie, ton infanterie, et participe dans leurs biens et dans leurs enfants. Et fais-leur des promesses. Et que les promesses de Shaitan ne sont qu'illusions. Et combien de gens ils ont ça? Ils s'imaginent des choses, des projets qu'ils ont dans les biens et les enfants. C'est Shaitan qui leur fait ça. Tu vas faire, tu vas avoir, il va t'arriver, fais telle chose, tu vas réussir. Wa'akava. Combien, surtout chez les gens très riches, les gens aisés, ils vont dire, ben moi, regarde, j'ai fait telle chose, j'ai eu mon argent. On dit, Allah a permis à Shaitan de pouvoir t'éprouver là-dedans. Et ce verset le prouve. Il a dit, excite-les, donne-leur. Participe dans leurs biens et dans leurs enfants. C'est Allah qui lui a permis. Shaitan, il n'a aucun pouvoir. Pas même, il n'a aucun pouvoir par rapport à ça. قال وثبت في الأحاديث أن الشياطين تستلك السم بالأمر الذي يحدث الله تعالى فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيه ما يلقيه الشيطان أو الشيطان من عند أنفسهم مئة كذبة ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة الكبور بذلك الزور والبختان. Dans les hadiths qui est venu, comme dans le hadith d'Abu Huraira, justement, que les shayatines arrivent parfois à soutirer les kalem, les choses que Allah SWT informe dans les cieux, ils arrivent à les soutirer, à les voler. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, c'est venu qu'ils se mettent les uns sur les autres, quand même, et pour prendre l'information, parfois le shihab les atteint, le météore, ils se font tuer, et parfois l'information arrive sur terre. Il le donne à un kahin, un voyant, il les rajoute mi à kaziba, sans mensonge. La personne va voir le voyant, il lui dit, mais t'as aimé telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Et là, il se trouve que la chose véridique, elle lui arrive. Elle dit, il a dit la vérité. Ça, c'est une fitna pour lui. Les autres mensonges, ils ont oublié. La parole véridique, il l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croit en ce kahin par la suite, il va le voir. Donc, c'est une chose que Allah a permis pour éprouver des personnes. Que cette information parvienne sur terre, sur le kahin, et après vienne la personne qui vient demander. C'est une chose que Allah l'a permis pour éprouver les gens. Et selon les shayatines, ils n'ont aucun pouvoir. Et le kahin, il n'a aucun pouvoir. C'est quelqu'un qui fait du shirk pour travailler avec les shayatines et avoir des informations et éprouver les gens. Adabes. Donc il informe de choses de l'invisible, peut-être même des choses du futur, des choses du passé, des choses perdues, il informe telle chose que tu as perdue, elle est à l'endroit. Il y va, il la trouve. Ça s'appelle un araf, ça. Un araf. فيقولون للكبريين إنه فعل الولي وفعل ويراغبون فيه ويحذرونه منهم فيرون ملوك الأقطار مقرين لذلك ويولون العمال لقبض النظر. Qu'est-ce qui se passe? Les Kuburiyun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le même système par rapport à leur wali. Ils disent le wali atel, il a fait telle chose. Le wali atel, il a fait telle chose. Le wali atel a fait telle chose. La salane. Il est informé par quoi? Par les sadna. On a dit, c'est quoi les sadna? Les dévots. Ceux qui sont autour de la cobre, du cobre. Ceux qui s'occupent du cobre. Et ils disent, le wali atel, il fait telle chose. C'est même pas vous. Il fait telle chose, telle chose. Ils éprouvent les gens par cela. Et parfois, la chose, elle s'est vraiment passée. Et c'est une fitna. C'est pas une karamar. C'est pas un miracle. C'est pas un prodige. C'est une fitna. C'est une fitna. Donc les gens se mettent à avoir peur du wali. Il dit attention, le wali peut te faire telle chose. De ta maison, il peut t'atteindre, te faire mourir dans ton lit. Les gens, ils ont peur de lui. Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils ont un rahba, la frayeur. Ils ont peur d'une chose que Allah est capable de faire. Ils ont peur de lui. Une peur qui est une peur shirkiya. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une croyance en lui. Ils font des nazres, ils font des sadaqas, ils font des du'as. وقال وقد يتولاها من يحسنون الظن فيه من عالم او قاضي فيتم تدليس لابليس فتقر عينه بهذا التدليس. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Un alim vient pour appuyer cette croyance fausse, ou un juge, une personne d'importance, de notoriété, qui vient et appuie ce faux. Il dit, tiens, le alim Foulani, même lui là-dedans, on s'avoue que la chose elle est vraie. C'est un alim, on n'a pas dit que c'est un alim rabbani, que c'est un moustakim. Quelqu'un qui a de la science, mais c'est un égareur, un dol. Mais pour les gens, ils pensent du bien de lui. Ils disent, regarde, même Wali Fulani, ou Afwan, le alim Fulani, il est présent à tel endroit, à telle situation, il est avec nous. Ou le Qadi, qui a un statut haut dans la Daoula, dans le gouvernement, il est là. Et nous voit faire la chose, il ne nous attendait pas à faire la chose. C'est que la chose, elle est permise, elle est bien. Et ils la font. Ça ajoute quoi? De l'égarement à l'égarement, et Iblis, il est content. Et en toute situation, tu verras souvent un alim, il sera posé dans une fitna pour égarer les gens, égarer les gens. Car les gens pensent du bien de lui, disent que c'est un alim, il ne peut pas se tromper. Si dans la chose il participe, c'est que la chose elle est vraie. Mais non, le alim n'est pas infaillible. Et des fois, des ulama, c'est des khubafa, ou des vendus. Ils ont de la science, ils sont des vendus. Ce n'est pas tout alim qui est wafak et marsoum. Et qui est sur le haq. Naam. Donc, comment ça a été là aujourd'hui? Shahid de tout cela, c'était pour répondre à ceux qui disent que j'ai fait telle et telle chose et j'ai eu ma réponse. J'ai eu ce que je voulais. On a dit quoi le Khurasa? C'est que c'est pas une fitna pour toi. Et le fait que tu aies une réponse. Shahid Sam dit également Fahusul al-Ard bi-Bard al-Umur liyastalzam ibahato. Que le fait que tu aies obtenu certaines choses en certaines situations ne veut pas dire que cette chose forcément soit permise. Sinon, tout ce que tu obtiens, tout procédé que tu emploies pour obtenir une chose, et que tu obtiens cette chose-là, ça veut dire que cela est permis. Non, c'est pas une règle qui existe. Il se peut que tu l'aies obtenu de façon légiférée, ou de façon non légiférée, comme quelqu'un qui vole. Il vient, il vole quelque chose. Il dit, regarde, j'ai eu ça. Comme tu l'as volé. Le fait que Allah t'ait permis de l'avoir, c'est du risque, pareil. C'est pas dire que c'est permis ce que t'as fait. Quelqu'un, il fait zina, il dit, regarde, j'ai des enfants. Je suis pas marié. La salaine. Ouais, t'as fait zina. Ça, c'est des causes qu'on y a. Elle a fait que le fait qu'il y ait eu un rapport, un enfant, il peut en venir. Mariage ou pas mariage. Ça veut pas dire que cet enfant-là, les chadri, et qu'est-ce que t'as fait, c'est permis. Il y a plein de gens, ils font ça. Ils font des choses haram, ils disent, regarde, moi j'ai eu. Khalas, j'ai eu ce que je voulais. J'ai pas besoin de faire comme toi, tu fais là. Tu me prends la tête. Toi, tu fais ça et ça. Moi, je travaille. L'autre, il dit, moi j'ai braqué. L'autre, il dit, moi j'ai volé. L'autre, il dit, moi j'ai fait telle et telle chose. J'ai racketté. J'ai de l'argent, je suis riche. Donc, à même, s'il m'aimait pas, j'aurais pas été cet argent-là. Ou il joue avec toi plutôt. Il veut jouer avec toi. Donc là, c'est des choses de dunya. Donc que dire des gens qui font du shirk? On dit le fait que tu fais du shirk ne veut pas dire que ce que tu as obtenu, ça vient d'Allah par yani agrément pour toi. Ça peut être une fitna pour toi. Comme on a dit ça, istidraj. Taïm, c'est là qu'il faut aller. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Et ça me dit, ça s'appelle des rages.